petit avion a pris son élan. Mon petit avion vole dans le vent, il monte dans le ciel, il étire ses ailes. Mon petit avion a pris son élan. Mon petit avion vole dans le vent, un brin de folie, et le voilà parti. De là-haut tout est clair, tout est joli, tout là-haut dans les airs il me sourit, et moi je suis si fière, il est mon ami. Tout est joli, tout là-haut dans les airs.